Bonjour Paulin. Bonjour Serena. Est-ce que tu préfères être SP ou dépenser 1 million d'euros et devenir OT8? Ah non, SP direct. SP. Je vais même pas réfléchir, bon. Je suis SP moi. Et est-ce que tu aimes encore Tom Cruise? C'est compliqué. Chaud. Après, contractuellement, je suis obligé. Hein, on fait un podcast sur Tom Cruise, je suis obligé. Donc, d'accord. Tom Cruise, ouais. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Mega Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Last chance to walk away. Bonjour et bienvenue sur Cruise Control, les podcasts qui vous prouvent que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Pour ce faire, Paulin et moi, nous regardons toutes les deux semaines un film de Tom Cruise, en ordre chronologique bien sûr, et nous nous retrouvons pour l'analyser, pour commenter, pour vous expliquer à quel point Tom Cruise est incroyable, génial, un mythe. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial. Un mythe qui va peut-être s'effondrer aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Nous traitons aujourd'hui d'un thème dont que l'on ne pouvait pas éviter. Nous parlons de la scientologie. Tant. Vous avez tellement envie. Oui, et nous échangeons les rôles aussi, pour une fois. C'est pour perturber, c'est parce comme que ça. C'est perturbant, donc voilà. Déjà, on a et on a regardé du coup les documentaires qui s'appellent Going Clear, Scientology and the Prisons of Beliefs de 2015 de Alex Gibney, tiré d'un livre du journaliste Lawrence Wright. Et voilà. Oui. Voilà. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Et donc, une petite question avant de commencer, avant de faire les résumés. Paulin, puisque aucun de nous avait vu ces documentaires avant, non. Paulin, est-ce que tu connaissais quelque chose de la scientologie? Est-ce que tu connaissais la scientologie? Et sinon, est-ce que ça t'intéressait? Je connaissais pas grand-chose de la scientologie de loin. Je me rendais pas compte exactement de ce que ça faisait. Après, je savais effectivement. En fait, c'est avec les images publiques que t'as, tu vois. Donc Travolta, ouais. Tom Cruise, tous ces trucs-là, tu te dis ouais, bon, c'est une religion, enfin une religion entre guillemets. Je fais des guillemets avec mes doigts, ça marche pas. Et, de vedettes aussi, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Et je sais qu'en France, c'est considéré comme une secte. Et voilà. Et en gros, et après, est-ce que je voulais en savoir plus? Oui, j'avais besoin de comprendre aussi, même par rapport à Tom Cruise, et ce qu'on essaie de comprendre ici, dans quelle mesure ça a un impact sur sa vie et sur sa carrière, parce que là, on va attaquer les années 2000, et c'est vraiment le moment où ça se sait beaucoup et où ça se voit beaucoup. Donc, il fallait vraiment qu'on en parle, quoi. Oui. Et toi? Et moi, je ne savais pas grand-chose. J'avais vu l'épisode de South Park sur la scientologie oui, qui explique à un moment en quoi il croit, mais c'était confus. Oui. Je n'avais pas trop capté, quoi. J'avais dû dire, mais c'est quoi ce truc? Il y a un épisode qui est bien documenté au final. Oui, super bien. Après. Mais si tu ne connais pas à la base, ouais. C'est un peu confus et j'étais trop curieuse. Moi, j'avais trop envie de voir ces documentaires et d'en savoir plus par rapport à ton cru, c'est tout ouais. Ça, bien sûr. En plus, c'est une religion, je refais des guillemets avec mes doigts, très américaine, donc forcément pour nous c'est loin aussi. C'est très loin. Des choses. C'est comme le football américain. Ah bah hyper loin, moi. Quoi. Ouais. Eh bien, on va commencer avec un petit résumé. Oui, bah, petit résumé. Gros. Je suis pas sûr qu'il soit si petit que ça parce que c'est un complexe. Morceau, Ouais, c'est chaud. Hein. On a vraiment switché les places au mauvais moment. Ouais, je c'est suis clair, désolée. Parce que là, moi, j'ai 8 pages de résumé et j'écris très petit, pour info. Il faut bien dire les choses. Ouais, très compliqué. Du coup, on va démarrer. On se fait d'abord un petit disclaimer. Oui, parce disclaimer. Attention, hein, nous, on ne va pas parler de la scientologie, on va parler du film. Donc, tout ce qu'on va raconter, c'est ce qui est dans le film. Dans les documentaires. Dans le documentaire. Hein, on n'a pas essayé de chercher d'autres choses, etc. Et c'est après, en plus, c'est un documentaire qui est quand même très axé, qui a un discours derrière tout ça sur la scientologie. Donc, ça ne reflète pas forcément. Enfin, disons que c'est pas. On n'a pas été plus loin que ça. Nous, on n'a que ça comme information. Donc, voilà. On partage ça. On partage ça, tout à fait. Voilà, disclaimer, fini. Voilà, disclaimer fini. Du coup, on va démarrer avec ce documentaire. Alors, c'est un documentaire à l'américaine et tout ça, avec une petite musique un petit peu sombre. On entend des témoignages de gens qui disent « Oui, le moment le plus sombre de ma vie, le plus triste, etc. » Mais tu sais pas trop de quoi ça parle. Et puis, on va enchaîner deux, trois débuts d'entretien, de témoignages de personnes qu'on va revoir un petit peu tout le long du film, parce que le film est ponctué de témoignages de personnes qui ont été dans l'église de Scientologie, mais qui en sont sorties. D'ailleurs, pendant 20 ans, 30 voilà, ans, 35 ans. On explique à chaque fois. Donc, on démarre, on a notamment Paul Haggis, donc qui est un réalisateur, scénariste et producteur très connu à Hollywood, qui a notamment scénarisé Million Dollar Baby et qui a eu un Oscar pour Collision, Crash. Je crois que c'est ça. C'était ça, ouais, Collision. Donc, un mec très connu qui a été scientologue pendant quand même 35 ans et qui explique en gros le principe très rapidement, très très résumé, de la dianétique, qu'en gros, il faut donner tout son argent pour avoir une vie meilleure. Ça, c'est la manière très très résumée. Ouais. Après, on a un témoignage rapidement de Jason Begg, qui est un acteur qui a été scientologue pendant 13 ans. Un acteur qu'on a vu dans, je pense, moi je l'avais vu dans Californication, si je me souviens bien. Moi j'ai jamais vu ce. Qui a une tête, acteur. Vraiment, quand tu vois sa tête, tu te dis, ah oui, je l'ai déjà vu quelque part. C'est, bon, voilà. Ouais. On a ensuite rapidement encore Spanky Taylor, qui a été scientologue pendant 17 ans, et qui, elle, en gros, a dit que je suis rentré dans la scientologie parce qu'on me disait que j'allais avoir des super pouvoirs. Et quand t'es gamin, c'est énorme, quoi. Ouais. Donc voilà, ça fait trois petites approches un peu comme ça. En fait, il y a les stars d'Hollywood, entre guillemets, il y a les acteurs un c'est peu ça. De côté comme ça, et mais Spanky qui était plutôt de l'autre côté, auditrice, paroissienne. C'était pas une figure publique comme connue, les autres. Connue, Mais ils ont tous eu une expérience très profonde de la scientologie. Oui. Après, on a une image, on a un petit extrait du gala de 2013 de la scientologie, où c'est à Clearwater, en Floride, donc le point névralgique, le centre de l'église de scientologie. La plus importante, les lieux les plus importants pour la scientologie. C'est un peu la mecque de la scientologie. Ouais. Quoi. En Floride, non ? Ouais, c'est en Floride. Et donc, il y a David Miscavige, qui est l'actuel président, je ne sais pas quoi, le chef de la scientologie, quoi, qui fait un grand discours. Bon, voilà, ok, super. On a une petite interview de John Travolta, qui explique que la scientologie, le but, c'est un monde sans criminalité, sans guerre et sans folie. Ouais. Okay, qui poursuit la joie. Voilà, c'est ça. Donc, du bon programme jusqu'ici, ça a l'air sympa. En tout cas, ça va. On a une image du gala avec Tom Cruise qui reçoit une énorme médaille, très très grande, qui fait la moitié de son torse, et qui fait un salut militaire à un tableau où on voit une figure qui est la figure de L. Ron Hubbard, donc le fondateur de la scientologie, et la foule est en délire. Voilà, ça Stand nous pose, Innovation, c'est une espèce d'énorme salle pleine d'or avec un plateau immense. Des feux d'artifice, c'est ouf, quoi. Ça, bon, on dirait les Oscars un peu, non ? Exactement. Il y a une espèce des trucs. Donc, ok, on a ça, ce truc-là, on dit bon. Et ensuite, très rapidement, on a des extraits de l'interview de Lawrence Wright, donc l'auteur, le journaliste qui a écrit le livre à la base du documentaire. Oui. Qui va donc parsemer un petit peu tout ça et qui va vraiment amener des faits plus objectifs. Très bien. Ok, ça c'était la petite intro. Je pense que j'ai déjà fait 15 minutes. Mais... Non, ça va. Ah, j'ai pas mis. Bon. Et ensuite, on va nous raconter la vie de Ron Hubbard, en gros. Donc, le fondateur de la religion. De la scientologie. De la scientologie. On nous explique que L. Ron Hubbard, il a notamment. C'est un auteur de bouquins. Il a écrit, il a le record du plus grand nombre de livres écrits parce qu'il écrivait beaucoup et c'était beaucoup des bouquins, des histoires de pulp. Donc les magazines très, très vite écrits, très vite produits. Et du coup, c'est où tu étais payé à la ligne. Donc en gros, il écrivait, et puis c'était édité très rapidement, mais ça n'avait pas une énorme valeur artistique. Et il a ensuite. Il s'est un peu plus orienté vers la science-fiction et il a été publié dans des revues où il y a eu Asimov notamment, Philip K. Dick et des gens comme ça. Donc un peu un gros truc, mais bon, a priori, c'était pas un super auteur de science-fiction. Ça, on ne sait pas. J'ai pas jamais lu. Voilà. disclaimer. Mais du coup, ça lui fait beaucoup de sous-sous, tout ça. Il a eu une carrière militaire un peu foireuse en fait, où il était sur un bateau, il était artilleur ou un truc comme ça. commandant du bateau, mais c'est un bateau qui faisait que des conneries, en gros, qui mitraillait des endroits qu'il fallait pas mitrailler, etc. Ouais, il a dit qu'il avait détruit deux sous-marins japonais. Alors qu'en fait, il se trompait de cible à chaque fois. Mais il va mentir sur sa carrière militaire à plein de gens, alors qu'en fait, il a été mis à pied parce qu'il était trop mauvais, quoi. Ouais. Il a ensuite été l'assistant de Jack Parsons, qui est un scientifique a priori brillant, mais qui en fait avait une face très sombre, puisqu'il faisait des rituels sataniques le week-end dans sa cave avec des jeunes vierges. Voilà. Des magies noires. Et il voulait. Et on dit qu'il voulait créer les nouveaux antichrists. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était donc, vraiment des rituels sataniques. Quoi. Sataniques, ouais. Bon, donc voilà, ça c'était un petit peu la jeunesse de Ron Hubbard, un peu chelou. Bon, il a une femme, Sarah, je crois, ouais, sa femme. Sarah. On nous raconte effectivement que. Northup, oui, pardon. Et qui, bon, ils ont une relation qui est quand même pas super saine parce que Ron Hubbard, il est hyper jaloux, parano et possessif, et il fait du chantage au suicide. Il a enlevé la gamine, il a enlevé leur gamine. Enfin, bon, ouais. C'est très très bizarre. Et elle raconte qu'on a trouvé des écrits ou son journal intime ou je sais pas quoi. C'est pas très clair dans les documentaires où ils ont trouvé ces notes, mais elle raconte des épisodes de violence. Ouais. Et elle raconte un peu sur ce monsieur la pression psychologique, l'harcèlement. C'est ça, ça nous dépeint un personnage qui a priori pas très bien et qui est quand même très manipulateur et très torturé en plus. Bon, ok, ça, c'est pas la face la plus brillante de ce monsieur, mais non. Vous inquiétez pas, il y en a des encore pires. dans les années 50, il écrit un bouquin, c'est La Dianétique. Donc c'est ce qui est de plus connu, comme son bouquin qui a été le plus vendu et le plus connu. Qui cartonne direct, et c'est une approche, je refais des guillemets avec mes doigts, scientifique de la santé mentale, où en fait le principe de la Dianétique, c'est de revivre les traumatismes qu'on a vécu avant, de les exprimer pour petit à petit les faire disparaître. Ouais. Voilà. Qui est ce qui est en fait la base de la théorie, de la pratique freudienne de la psychologie. Oui, mais lui, il refuse qu'on associe les deux. Ça. Il refuse ça. Et le truc de base, c'est qu'on a deux cerveaux. Le cerveau analytique, qui se comporte un peu comme un ordinateur, qui est assez infaillible, qui a plein de ressources, etc. Et on a aussi un cerveau réactif. Donc c'est celui où il y a toutes les émotions, et c'est celui qui va polluer finalement la capacité du cerveau analytique. Et donc l'objectif, c'est de défacer petit à petit ce cerveau réactif pour augmenter sa capacité avec le cerveau analytique. En effaçant les traumas, on sera mieux, on sera... comme un ordo, l'ordinateur les plus c'est ça, beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace, beaucoup moins stressé, etc. Donc, pour ça, il faut se débarrasser des engrammes, les souvenirs négatifs. Oui. Pour ce faire, ça se passe comme c'est là que ça commence à être un petit peu rigolo. Enfin, c'est complexe. Rigolo, c'est complexe. C'est pas si complexe. En gros, ils ont une machine qui s'appelle un e-meter, donc un électromètre, qui en gros fonctionne comme un détecteur de mensonges, donc avec la même fiabilité qu'un détecteur de mensonges, c'est-à-dire pas grand-chose. Et qui a une petite aiguille qui va plus ou moins monter quand on tient deux manettes, en fait, et il y a un courant très faible qui passe et qui va mesurer un taux. On ne sait pas trop comment ça marche. C'est clair, mais voilà. Et ça, c'est un peu la base quand même de l'étude dans la Dianétique. Et donc, au fur et à mesure qu'il y a la personne qui te pose les questions, l'intervieweur, donc on appelle ça un auditeur, oui. Il va te poser des questions pour te faire revivre le traumatisme. Et la première fois où tu parles du traumatisme, l'aiguille, elle va monter direct très très haut. Tu vas en reparler une deuxième fois, ça va monter moins haut, et petit à petit, tu vas en parler, et ça va descendre. Et c'est considéré que quand l'aiguille est vraiment redescendue, ça veut dire que tu t'es débarrassé de ce souvenir négatif, et donc tu as un peu plus libéré ton cerveau. Tu deviens de plus en plus clear. Clear, tout à fait. Clair. Tu vas très très vite dans mes notes. Je suis... Pardon. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Enfin, ceci dit, c'est ça, on devient clear. Donc c'est ça, hein, tu parles, au bout d'un moment ton problème il est réglé, c'est super. Voilà, t'as eu un accident de voiture, tu n'arrives plus à conduire, tu pars de l'accident jusqu'à que c'est bon et tu peux conduire. Exactement. Donc après ça peut se si tu veux faire une comparaison à la religion, c'est un système, le système d'auditeur, c'est comme une confession en fait, c'est un peu comme quand on va au confessionnal dans beaucoup de vraies entre guillemets, religion. J'ai du mal, je sais pas comment me positionner. Voilà. Donc, il s'appuie beaucoup sur cette machine, hein, cet électromètre, qui a une valeur scientifique assez, assez doutable, finalement. Ron Hubbard, quand il est interviewé, on lui demande, mais du coup, c'est de la psychiatrie. Il dit, mais non, la psychiatrie, c'est pour les fous. Et ouais. Nous, on ne traite pas les gens fous. On n'est pas fous, en fait. Et on lui dit, bah, c'est de la psychanalyse. Non, c'est pas de la psychanalyse. Il rejette en fait la psychanalyse et la psychiatrie parce que lui, il était persuadé d'avoir fait une vraie découverte scientifique. Une vraie découverte pour la santé mentale. Sauf que tous les scientifiques de la santé mentale ont jamais accordé de crédit à ça parce que ça, c'est pas du tout tenu, c'est pas des vraies recherches, c'est pas du tout documenté et c'est n'importe quoi en fait. Et ça, du coup, comme on se rappelle, Ron Hubbard, il est hyper jaloux et parano, et ben il a décidé, du coup, ok, ça c'est un complot quoi pour lui dans sa tête. Donc, ça va faire partie des bases de la scientologie, le rejet de la psychanalyse et de la psychiatrie. Tout à fait. Et à un moment, il parle aussi des pratiques, parce que quand même, Ron Hubbard, il est né dans les années 30. 30, ouais. 30. Donc, il part de la psychiatrie et de la psychologie dans les années 50. C'était quand même électrochoc et tout ça. Ouais, donc, tout il refuse ces genres de pratiques aussi. Tout à fait. Pour un peu le... Non, mais c'est vrai. Donc, du coup, il est toujours sur ça. Donc, il y a effectivement, ce que tu disais, la notion de clear, donc l'état clair, qui a l'air d'être le top de la dianétique. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est que vraiment, tu as enfin libéré ton cerveau analytique et tu t'es débarrassé de tes mauvaises émotions. Et donc, tu deviens, le mot est clair, enfin, c'est, tu es clair, ouais. Donc tu es éveillé. État de conscience, c'est un peu le nirvana, quoi. Et après, Et il fait une tournée, il fait plein de conférences sur ça. Il commence à avoir beaucoup de monde du coup qui est très très intéressé. Le bouquin marche à fond. Il fait beaucoup beaucoup de sous avec ça. Il commence lui ça lui fait monter un petit peu la pression. Il se prend un peu pour un demi-dieu. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Mais du coup, il est en parallèle de ça, il est toujours aussi parano, voire de plus en plus et de plus en plus manipulateur. Sa femme Sarah arrive enfin à divorcer et à se barrer avec les enfants. Ça, c'est pas mal, oui. Un point positif pour elle. Et alors tout ça là, tout ce passage là, c'est juste avant que ça devienne une religion, quoi, vraiment. Ouais. C'est à partir du moment où la dianétique passe de mode, on va dire, c'est là qu'il a l'idée de transformer ça en religion. Ouais. Et en plus, il le dit à un moment dans une interview, il dit en fait, si on veut faire de l'argent aux États-Unis, il faut être une religion parce qu'on n'est pas imposable. Tout à fait. Et ça, c'est hyper important de le garder en tête parce que ça va suivre quand même toute l'histoire de la scientologie. Ouais. Alors que ça paraît être un argument quand même un peu... Quand tu te dis scientifique, ça paraît être complètement fou. Et je fais juste une toute petite pause parce que là, toute cette première partie qu'on a vue sur la vie de Ron Hubbard, c'est ce qui est traité dans le film The Master de Paul Thomas Anderson. Qui est hyper, hyper impressionnant comme film, avec Philip Seymour Hoffman qui joue le rôle de Ron Hubbard, même si c'est pas officiellement Ron Hubbard parce qu'ils voulaient éviter les procès. Mais c'est très, très, très bien retranscrit, ce truc-là, quoi, cette espèce d'embrigadement. Bref. Notre ami, L. Ron Hubbard va inventer l'église de Scientologie. Il va inventer une religion. Là, on a une petite interview de Tony Ortega, qui est un des journalistes qui a travaillé sur la question, qui explique qu'en fait, c'est pas compliqué. En Scientologie, tout est payant. Ouais. Et que avant d'arriver à l'état clair, tu as plusieurs niveaux d'audition, quoi, des étapes. Enfin, comme si tu faisais un stage A, puis tu fais un stage A+, A++, etc. Et tu grimpes. Et à chaque fois, tu as un niveau en plus, c'est de plus en plus cher. Et quand tu arrives au niveau clair, Hubbard, il invente des niveaux au-dessus, en fait. Et à chaque fois, il réinvente un niveau qui coûte encore plus cher, etc., mais qui te rapproche encore une fois d'un truc. Donc, il invente au fur et à mesure des gens qui arrivent au top, quoi, en fait. Et en plus, ces niveaux sont basés de plus en plus sur ses névroses à lui. Ça, c'est ce qu'on nous explique. Alors là, il y a un vrai problème maintenant. On arrive dans la fin des années 60. C'est que Ron Hubbard, il a beaucoup de pognon, mais il a aussi beaucoup d'impôts à payer. Et il n'aime pas ça. Et pour lui, il n'a pas à payer d'impôts puisqu'il est une religion. Dans sa tête, c'est une religion, donc il ne doit pas payer d'impôts. Sauf que le fisc, il dit, si mec, tu dois payer tes impôts, parce que ce n'était pas une religion. Donc il va se barrer pour éviter le fisc. Donc il va avoir une flotte. Trois navires, ils vont partir en Méditerranée. Donc évidemment, il va prendre plein de jeunes qui sont complètement dédiés à ce qu'ils racontent, qui sont complètement fanatiques, et qui vont les mettre sur le bateau, qui vont les faire trimer, qui vont leur faire récurer le pont, etc. Ils vont créer le Sea Org. Ils vont créer du coup la Sea Organization, donc qui est une espèce de clergé, c'est le clergé de la Scientologie, en fait. Et en gros, on explique, à un moment, ils expliquent... tu faisais les étapes et après on te dit bienvenue dans les Sea Org, on Exactement. Se donne rendez-vous à tel port. Et ils se retrouvent dans un port avec un bateau tout pété et ils doivent nettoyer à la brosse à dents la rouille. Et il y a Ron Hubbard au milieu de tous ces gens. Ça. Quel capitaine, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, on a le témoignage de Anna Eltringham Whitfield, qui a été scientologue pendant plus de 19 ans et qui était membre de base des Sea Org, donc, et qui disait, mais nous, on y était parce qu'on voulait être avec Ron Hubbard, on voulait être avec lui, parce qu'on savait qu'être avec lui, ça allait nous apprendre énormément et tout le monde est vraiment à fond, quoi. Elle parle aussi de son charisme et de son magnétisme, quoi, parce que dès qu'il apparaissait, c'était... Ah oui, c'était grandiose, le truc. Donc, ouf, quoi. Il y a un petit truc qui est complètement, qui montre aussi un petit peu la folie de la chose et qu'on retrouvera un peu plus tard, c'est qu'en fait, quand il y avait des auditions qui se passaient pas bien, qu'un auditeur se ratait, se trompait, il est jeté par-dessus bord pour qu'il puisse expier leur faute. Sa faute. Dans le documentaire, on dit pas s'il est repêché. J'imagine qu'il est repêché, mais quand même, c'est un petit peu chaud, sinon. Voilà. Là, on fait un petit bond, du coup, pour arriver vers la fin des années 70. Donc là, toute la période des années 60, il le passe vraiment sur les bateaux, etc. Et fin des années 70, il va rentrer aux États-Unis parce qu'en fait, en Méditerranée, il est recherché aussi parce que ça fout la merde partout. D'avoir un mec comme ça qui va de port en port, qui paye pas d'impôts et tout ça. Et qu'il essaie aussi un peu, ils vont de port en port, ils essaient un peu de... Ils évangélisent. C'est un peu, missionnaire. Exactement. Donc en Méditerranée, ça commence à pas trop marcher. Donc il rentre. Il rentre et il va directement en Floride. Ouais. Mais il reste planqué parce qu'il y a le fisc qui est toujours pas loin pour essayer de le choper. Tout à fait. Et là, on arrive, les années 70, sur le moment où il se rapproche d'Hollywood, avec un petit peu le truc qui tourne, c'est que la scientologie, c'est comme planer sans prendre de drogue. Ça, c'est la rumeur qui court, qu'en fait, c'est génial pour ça. Donc, il achète un bâtiment, le Celebrity Building, à Hollywood, avec un gros bâtiment avec écrit Scientologie, un gros bâtiment bleu avec écrit Scientologie en gros, énorme, c'est assez impressionnant. Une énorme croix en or. La croix à 8 branches. Donc ça, c'est un truc qui va vachement marcher parce que t'as beaucoup, beaucoup de monde qui y va et surtout, il y a beaucoup de vedettes qui y passent. Parce que ce qui est vendu, c'est si vous venez à la scientologie, comme c'est toujours sur le truc de la dianétique, c'est du bien-être, donc on va vous aider à être beaucoup plus concentré, beaucoup plus efficace pour que les auditions, ça marche. Donc il y a des gens qui y viennent, il y a Rock Hudson, Leonard Cohen, les Grateful Dead, enfin il y a plein de monde qui y passe. Ouais. Alors tu sais pas dans quelle mesure, le documentaire ne précise pas s'ils sont impliqués ou pas, mais en tout cas, ça cartonne beaucoup et arrive le premier VRP, enfin la première vraie figure de la scientologie, c'est John Travolta, début des années 70. Il commence à se faire repérer un petit peu, on le voit dans plusieurs séries, des films, etc. Et en fait, il va être la meilleure pub parce que il va à la scientologie, il se fait une audition. Le lendemain, il a un casting, il gagne le casting. Ouais. Il revient à la scientologie, il refait un autre casting, il gagne. Et en fait, il a une success story. Enfin, il cartonne de plus en plus. Donc forcément, c'est grâce à la scientologie qu'il cartonne. Oui. Ça ne peut pas être autrement. Donc, parce qu'il est arrivé avant de faire les gros films pour lesquels on le connaît. Avant Grise, du samedi soir, tout ça. Donc c'est vrai que là, Travolta, c'est carton plein. Quoi. Oui. Là, on va entrer dans la partie où ça va devenir un petit peu barjot. C'est-à-dire que on a une scientologue, une femme, Sarah Goldberg, qui a été scientologue pendant 27 ans, qui va nous expliquer le principe du pont. Donc c'est un pont, escalier, je sais pas. Enfin, en gros, c'est que clear, c'est pas la fin de la marche. Il faut aller plus loin que ça. Et là, elle nous explique qu'elle a atteint le plus haut niveau en scientologie. Et le plus haut niveau, c'est OT8. Donc OT, ça veut dire Operant Thetan. Comment ça se prononce? Donc le Thetan opérant. Et on nous explique que le Thetan, c'est un être spirituel, c'est l'âme un petit peu de la chose. Et les rumeurs qui courent, c'est que les personnes qui sont ôtées, donc ôtées 1, 2, 3, 4, ça va jusqu'à 8, ils peuvent lire dans les pensées, ils peuvent déplacer les objets à distance, etc. Enfin, extraire de son propre corps. Extraire du corps. Ça devient un espèce de mythe de, effectivement, en fait, clair, c'est bien, mais apparemment, ôtée, c'est tu vas encore au-delà, quoi. Ouais. Donc ça fait partie des niveaux que Bard rajoute au fur et à mesure que les gens, ils n'ont plus rien à payer, il refait payer avec les niveaux OT. Et on a l'interview de... On revient sur Paul Haggis, donc le réalisateur, qui explique que lui, le jour où il est arrivé à niveau OT 3, on lui a donné des écrits secrets en lui disant il ne faut surtout pas que tu les diffuses, parce qu'il n'y a que en étant au niveau OT 3 qu'on peut comprendre ce qui est écrit. Oui, C'est la mallette secrète. C'est secret. Celle-là, c'est vraiment c'est la substantifique moelle de la scientologie et de la pensée scientologue. C'est là-dedans, mais il n'y a qu'en étant au niveau OT3 qu'on peut comprendre ce truc-là. Ouais. Si tu le racontes à une personne qui n'est pas à OT3, c'est surtout qu'il va mourir. Oui. Et la nouvelle est tellement choquante. C'est trop. Et c'est trop. Et tu peux lui causer un cancer, un machin, un truc. Donc ça, c'est... Genre, je me suis un peu informée là-dessous, mais il te donne une mallette que tu dois attacher à toi-même. Tu es obligé de l'attacher à toi-même. Et tu es dans une pièce secrète où tout seul, tu dois lire tout. Et après, on te demande si tu as bien compris. Tu te demande de faire des dessins pour dire « t'as compris ». Ce que c'est, et tu le diras jamais à personne. Si tu le dis, si tu découvres que tu l'as dit à une personne qui n'est pas au T3, t'es. Et oui, t'es les diables, quoi. Ouais. Tu voulais tuer cette personne. Parce que c'est ça, tu l'as fait mal. Ouais. Et Paul Haggis, du coup, il explique que ça, il le lit et ça a aucun sens, en fait. Du coup, on va vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans cette mallette secrète. Si vous êtes scientologue et vous n'êtes pas au T3, écoutez pas. Écoutez pas, bah oui, sinon, ça vous... nous, on ne l'est pas, donc ça ne nous a rien fait. Clairement, non. On l'a vu, ça n'a rien fait. Ça nous explique qu'il y a 75 millions d'années, il y avait une planète où tout se passait exactement comme dans les années 50 aux États-Unis. Voilà. C'est les mêmes voitures, c'est même les mêmes vêtements, tout exactement pareil. Mais cette planète, qui est gouvernée par le souverain suprême Xenu, elle a un problème de surpopulation. Oui. Il y a trop de monde, donc il faut trouver une solution. Et Xenu, sa solution, c'est un peu, c'est pas, presque comme Thanos dans Marvel. Avengers. C'est, il va falloir trier un petit peu et les éléments les plus faibles, il va falloir s'en débarrasser. Donc, ils les mettent de côté, ils injectent du glycol dans le cœur pour les refroidir. Ils les mettent dans des navettes qui ressemblent exactement aux navettes des années 50. Ça, c'est navettes avion, tu veux dire. Ouais, ouais, c'est très bien documenté, très bien fait. On les envoie sur une planète, la planète Tijak. Qui est en fait qui est la planète Terre et la prison. Qui est une planète prison. Et on va jeter ces corps dans les volcans. Oui. C'est pas fini. Ça. Ils sont jetés dans les volcans et au moment où ils sont jetés dans les volcans, leur tétan, leur âme va s'échapper, oui, et va aller se mettre dans le corps des nouveau-nés. Attends, non, parce que d'abord l'âme elle sort. Elle ah veut oui, s'échapper. Elle va au cinéma. Non. Voilà. Elle veut revenir dans les planètes, mais Xenu a trouvé un moyen pour les bloquer, les mettre dans une espèce de salle où il y a des images qui sont projetées d'autres religions, de plein de choses qui pourrissent cette âme, qui sont toutes faibles, qui se retrouvent sur la Terre et qui se retrouvent à rentrer dans les premiers hommes qui. Voilà. Ils rentrent dans les premiers hommes, dans les nouveaux-nés, etc. Donc, ils sont conditionnés avant d'être envoyés. Effectivement, voilà. J'avais noté, ils vont au cinéma avant. Mais c'est trop. C'est ça. Ouais. Et donc, voilà, en gros, le principe. Et ça explique pourquoi sur Terre, il y a des trucs qui ne vont pas. C'est tous ces tétans, toutes ces âmes qui font partie de nous, en fait, mais qui ne viennent pas de nous, qui viennent d'une autre planète et qui ont déjà des malheurs et qui, en fait, ouais, viennent nous pourrir un petit peu le corps. Et il n'y a que quand tu es ôté, donc operant tétan, que tu peux chasser toi-même les tétans, ouais, de ton corps. Tout à fait. Et il faut aller, tu t'auto-auditionnes, ça passe vraiment à un autre niveau. En gros, tu commences cette histoire de émetteur, donc de machine. D'abord, tu le fais avec une personne qui est ton auditeur. À partir de T3, tu fais des auditions à toi-même. Tu penses les questions et tout ça, et tu le fais à toi-même. Tu payes quand même pour faire ça. Oui, oui. À chaque audition, tu payes de toute façon. De toute façon, c'est ça. Et tu dois essayer de parler à toutes les cellules de ton corps qui sont faites de âmes aliens. De tous les tétans, voilà. Et qu'il faut s'en débarrasser. Donc. Il faut s'en débarrasser. Il y a Anna Eltringham qui raconte qu'elle, du coup, arrive à ce niveau-là, elle a fait une grosse dépression, en fait, ça l'a mis vraiment très très mal. Et Ron Hubbard lui explique que c'est normal, en fait, parce qu'elle vient de découvrir qu'elle a ces trucs qui sont encore plus dangereux, ouais, et plus sales dans son corps, et que forcément, plus tu vas avancer, plus tu vas te confronter à des choses dures et mal, parce que tu vas avoir des tétans de plus en plus gros qu'il va falloir chasser, donc c'est très très compliqué. Et elle explique un peu, c'est ça, c'est ce phénomène d'auto-persuasion, c'est-à-dire que tu te dis, mais oui, mais non, c'est normal que je ne sois pas bien, puisque que je suis à un tel niveau que je viens de découvrir des choses encore plus dures, ouais, etc. Donc en fait, t'es obligatoirement en dépression, plus tu avances dans le truc, plus t'es en dépression, quoi. Alors, et Paul Haggins, dans les documentaires, il dit, quand j'ai reçu ça, je fais « What the fuck ?» Qu'est-ce que c'est ce truc ? Encore, j'aimais bien les trucs de... Le truc de bien-être. De bien-être perso, de self-help, machin. Mais ces trucs-là, ça tombait de nulle part. Et on me l'a dit après, genre 7 ans que j'étais dans la scientologie, tu vois. C'est, bon, peut-être pas 7 ans, mais je crois que c'est ça, période. Hein, c'est qu'il faut au moins 8 ans pour arriver à... Avant de savoir, hein. Quoi. C'est énorme. À ce moment-là, on a Ron Hubbard, qui est toujours aussi cinglé, qui est persuadé d'avoir un body tétan. Donc ça, c'est un autre niveau, quoi. C'est un énorme tétan qui est à l'intérieur de lui. Et il faut qu'il s'en débarrasse. C'est un mal absolu pour lui. Là, c'est vraiment... Il arrive à un tel niveau. Il n'y a que lui, en fait, qui a vécu ça. Il arrive à un très gros niveau. Du coup, il demande à un scientifique qu'il a parmi les scientologues de lui construire une machine pour le tuer, quoi. Un espèce de émetteur encore plus fort, etc. Ouais. Et ça fait grimper sa démence et ça lui fait créer des niveaux en fait pour aller jusque là. Et il y a un des journalistes qui explique que c'est ça en fait, la scientologie, ça te fait devenir comme Ron Hubbard, quoi. Ça te donne exactement les mêmes névroses et les mêmes manières de faire que lui, quoi. Plus tu grimpes, plus tu te rapproches de lui comme il est fou, quoi. Et que c'est en fait la scientologie, d'avoir créé la scientologie, c'est l'analyse de... C'est Ron Hubbard qui fait sa psychanalyse, quoi. Donc c'est hyper dangereux parce qu'il emmène quand même beaucoup de monde avec lui. Alors, ça c'était... On va s'arrêter maintenant sur la fin de la vie de Ron Hubbard. Enfin, la fin de la vie. Alors attention. En 86, il y a David Miscavige, donc qui est le nouveau chef de la scientologie, qui annonce le décès de Ron Hubbard, qui en vrai, dans la vraie vie de tous les jours, il a fait une attaque cérébrale et il est mort. Mais lui, il va pas l'expliquer comme ça. Non. Il va dire, en fait, voilà, notre guide à tous, L. Ron Hubbard, il a été très très très loin. Il a découvert encore des nouvelles choses. Il est à un niveau OT tellement élevé qu'il a découvert autre chose et qu'il doit continuer de lutter pour ça. Et que maintenant, il arrive à un tel point que son corps physique ne l'embarrasse. Il a dû s'en débarrasser pour pouvoir aller encore plus loin et pouvoir découvrir encore d'autres choses. Donc il dit jamais qu'il est mort, il dit juste que en fait voilà, Ron est parti encore plus loin pour combattre cet étang intérieur et ça reste un exemple, quoi. Ouais. Donc OK. Il a quitté son corps mais voilà, il continue ses recherches. Ouais. Mais bon, après je sais pas comment ils vont pouvoir lui envoyer les chèques maintenant, ça c'est peut-être le truc un petit peu délicat. Il a plus besoin. Le matériel n'a plus besoin de ça. Maintenant il est en face to face avec des tétans énormes. Ouais. Ça ferait un bon film de science-fiction d'ailleurs. Oui. Non, c'est pas vrai, ça ferait un mauvais film de science-fiction. Et là du coup on entre dans la deuxième moitié du film, du documentaire, où c'est vraiment sur la période le règne de David Miscavige. Oui. Donc David Miscavige, c'était un espèce de petit requin, en fait. Si tu veux, c'est un peu comme... c'est un peu la même chose que Nicolas Sarkozy avec Chirac, tu vois. C'est un peu le même délire. En vrai, ça ressemble à ça. C'est le mec qui est tout le temps là, qui est un petit peu partout. Et dès qu'il y a une opportunité, il rentre. Donc là, il prend le pouvoir et il a toute une armée. Il a plein de bras droits qu'on va revoir après dans le documentaire, parce qu'ils vont commencer à témoigner, puisque c'est des gens qui sont partis après. Et il va faire perdurer l'entreprise florissante de l'église de Scientologie. Qui n'est pas encore une église à l'époque. Qui n'est pas encore une église. Enfin, qui pour eux, ils appellent ça l'église de Scientologie, mais qui n'est pas une religion reconnue. Et on va avoir notamment le témoignage de Tom DeVocht et Marty Radburn qui vont expliquer que Miscavige, il est ultra parano, comme Ron Hubbard, et il est ultra manipulateur, comme Ron Hubbard. Donc c'est un peu la même chose, la taille est un peu plus petite et il est brun, mais sinon c'est exactement la même chose. Et là on nous parle du gros principe de excusez-moi, il y avait une punaise qui traînait sur la table, du coup je me suis arrêté pour enlever, c'est très bizarre. Ça doit être le signe de la scientologie, c'était un tétan peut-être, je ne sais pas. Ils vont expliquer le gros principe que va mettre en place David Miscavige, c'est le fair game. Alors c'était déjà quelque chose que faisait Ron Hubbard, mais qui n'était pas forcément institué de la même manière. Le fair game, c'est l'objectif, c'est de discréditer les détracteurs. C'est-à-dire que n'importe qui sur la planète dit du mal de la scientologie, il faut discréditer cette personne. Il peut pas, parce qu'il fait... Avec tous les moyens possibles. C'est une entrave. Donc il va créer une espèce de milice, de réseau d'espionnage, etc. Où les mecs, ils sont sans limite, quoi. Ils vont faire des descentes pour piquer des documents au fisc. Ils font du harcèlement, ils portent plainte. Enfin, ils font plein de choses. Et ça, ça va être très important pour la suite, pour la relation notamment que la scientologie a avec le fisc. On nous raconte aussi que, enfin, c'est Spanky qu'on a vu au tout début qui nous raconte que elle a été notamment dans un truc qui s'appelle le Rehabilitation Project Force. Donc c'est un, en gros, elle dit, c'est un camp de rééducation, un camp de réendoctrinement. Ouais. Où quand tu as fait une erreur ou quand tu as fait ça, on t'as te met là-bas. Doutes, t'as des doutes. Il y a un truc qui marche pas. On t'envoie là-bas. C'est des conditions hyper compliquées. Enfin, c'est vraiment très. C'est pas loin d'être une prison quand même. Ouais. Et on te débarrasse notamment. Et pour elle, en tout cas, le cas c'était qu'on la débarrasse de ses enfants. On met ses enfants à part. On s'en occupe à part et pour qu'elle ait pas de distraction. Elle travaille 30 heures par jour, quoi. Elle travaille pour un salaire qui n'existe quasiment pas. Ouais. Hein, parce que c'est ça, hein, les personnes dans qui travaillent pour la scientologie sont payées. C'est une misère. Il y en a 60 un. Il y en a un qui raconte, il dit, en gros, pendant 17 ans, il gagnait $200 par mois. Et c'était un des plus hauts gradés, quoi, en gros. Donc Spanky, elle est dans son camp de réendoctrinement et elle se rend compte au bout d'un moment comment sont traités les enfants dans le Cadet Org, le Cadet Organization. C'est là où ils sont censés s'occuper des enfants. En fait, ils s'en occupent pas vraiment parce qu'ils sont dans ils sont laissés dans un état absolument horrible. Et du coup, ça la fait un peu péter un câble et elle va vraiment s'évader parce que c'est pour sauver ses enfants, parce qu'en plus elle est enceinte, pour sauver ses enfants, elle va s'évader. Donc elle raconte le truc. Elle a tout le temps quelqu'un comme elle. Elle est en camp de rééducation. Elle est suivie tout le temps par un garde du corps et donc il faut vraiment qu'elle galère à appeler une amie pour qu'elle vienne la chercher et elle s'évade vraiment, elle récupère son enfant et elle se barre en courant et dans une voiture. Avec les mecs qui poursuivent. Donc et elle dit que c'était la seule femme à peu près qui n'était pas de la scientologie qu'elle connaissait. C'est ça. C'était oui, une c'est dame ça aussi. Qu'elle avait croisée parce que Spanky c'est un peu l'auditrice de John Travolta, c'est elle qui était vachement en lien avec lui. C'est une amie très proche de Travolta. Ils étaient hyper proches, tu vois, lui il est allé à son mariage à elle et tout ça, c'était vraiment une personne hyper proche de John Travolta, et c'était une nana qui bossait pour John Travolta, mais genre, j'imagine, la réceptionniste. Oui, quoi. C'est une secrétaire. C'est un secrétaire qui s'est présentée avec la bagnole. Elle lui a dit, présente-toi avec une bagnole à cette adresse. Elle est arrivée, elle a pris ses enfants et elle a raconté un bobard au garde du corps. Et elle est partie avec, elle a dit, allez, vite, vite, vite, on y va. C'est ça. Et effectivement, ce que tu dis, quoi, c'était le seul contact qu'elle avait en dehors de la scientologie. Voilà. Donc il y a aussi ce truc-là d'enfermement, et on le voit un peu plus tard dans le documentaire sur comment, en fait, il faut tout faire pour se déconnecter de ce qui n'est pas de la scientologie, quoi, pour les personnes un petit peu à risque. Et elle a été, du coup, Spanky, très déçue que Travolta ne soit pas intervenu. Oui. Et là, du coup, on bascule un petit peu sur, notamment, pourquoi Travolta, il peut difficilement intervenir. C'est qu'en fait, quand il y a les auditions, il y a toujours une trace de ce qui est audité. Et comme le principe de l'audition, c'est de raconter ses secrets les plus lourds et les trucs les plus difficiles, forcément, ça fait un fichier que tous les services de renseignement aimeraient avoir. Ouais. Ils appellent ça les PC folders. Alors, c'est les pré-clear folders, je crois. Ouais. Et c'est un contenu. Il y a vraiment tout. Alors, en plus, Miscavige, il a rajouté que maintenant, ils étaient en plus filmés, les auditions. Ouais. Parce que Ron Hubbard a dit que tout ce qui sort des auditions, il doit être sous forme écrite. Oui. Et il n'y a pas une audition qui n'est pas écrite. Donc, soit tu l'écris toi-même, soit c'est quelqu'un d'autre qui l'écrit sur toi. Donc, si tu arrives à un moment, ils ont des milliers et des milliers de fichiers. Exactement. Ouais. Et ça, c'est un des problèmes, notamment de Travolta. C'est que tu doutes, c'est ce que explique Spanky. Il a dit, mais en fait, moi, j'étais très déçu qu'il n'intervienne pas, mais comment il peut intervenir, en fait ? C'est très compliqué. Mmh. Parce que, donc, il sait que. Parce que des fois, il y a eu des trucs qui ont fuité en dehors, et ça peut être très, très compliqué pour sa carrière. Et aussi que, peut-être tu le diras après, mais aussi que John Travolta, en fait, il raconte aussi un peu la relation. C'est qu'eux, ils utilisent John Travolta comme. Comme RP, mais John Travolta utilise aussi les milices des scientologies. Quand il y a des trucs qui fuitent, la scientologie est quand même hyper forte à arrêter tous les bruits qui courent, à payer de l'argent, je sais pas, à faire de l'harcèlement, je sais pas comment, tu vois, mais tous les scandales qu'il aurait pu traverser, il appelle la scientologie, ils envoient leurs milices et c'est bon. C'est ça. Très bien. Et là, on arrive au gala de la scientologie de 1993. C'est énorme, c'est immense, c'est un stade, c'est une énorme salle, c'est Bercy, tu vois, rempli de gens, des feux d'artifice et tout ça. Et là, on a David Miscavige qui nous explique qu'il faut gagner la guerre des guerres, la guerre qui arrêtera toutes les guerres. Ok, oui. Bon. Et on apprend qu'en fait, cette guerre des guerres, la guerre qui arrêterait toutes les guerres, c'est la guerre contre le fisc. Tout simplement. Ouais. En fait, le problème du monde entier, c'est que la scientologie est en guerre avec le fisc et qu'une fois ça résolu, ça résoudra tous les problèmes du monde. En gros, elle n'est pas reconnue en tant que religion aux États-Unis et donc elle doit payer c'est des ça. Taxes. Elle a une dette de plus d'un milliard de dollars au fisc. Et si le fisc dit non, vous n'êtes pas en religion, donc vous devez payer les taxes, ça serait ruiné, ça serait arrêté là. Et du coup, il y a un journaliste qui nous explique en fait qui peut décider, enfin aux États-Unis, qui décide de qu'est-ce qui est une religion ou pas. Enfin, tu peux pas, en fait, il y a pas moyen de le faire. Ouais. Et le seul truc qui différencie, c'est au niveau de l'imposition. Donc si tu n'es pas imposable, tu es une religion. Donc c'est le fisc qui peut décider qui est ou pas une religion, sauf qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas le faire. Des théologues. C'est ça, ça n'a aucun sens en fait. Ouais. Mais c'est le seul truc qui peut justifier ça. Et qui te permet ensuite, parce que si tu es non imposable et donc tu es considéré comme une religion, tu es protégé par le premier amendement. Ouais. C'est vraiment un truc. Donc c'est pour ça que c'est le cœur de la guerre entre la scientologie et le fisc. Et c'est pour ça que Miscavige part en guerre contre le fisc. Et là, il déploie un arsenal de... Ils demandent à tout le monde de porter plainte contre le fisc, contre les employés du fisc. Enfin, et en plus, c'est une période où le fisc aux États-Unis a quelques casseroles, de trucs un petit peu louches. Ouais, donc, il n'est pas très aimé aux yeux de l'opinion publique. Ça, et eux, ils utilisent très bien ça. Ils sont très malins, d'ailleurs. Ils sont hyper forts parce qu'ils en font dans tous les sens. Ils mettent le fisc, tous les employés, tous les directeurs du fisc sous pression. Détectives privés. Détectives. Il y a le détective qui va voir, qui va à une réception du fisc, qui va prendre en photo tous les petits fours et va dire regardez, ça, c'est votre argent public. Quoi. Alors qu'il n'y a rien de dingue, mais c'est juste, ils se servent de l'opinion publique aussi. Donc, ils mettent tellement le fisc sous pression. Qu'en octobre 93, le fisc fait un deal avec la scientologie et finalement leur accorde la non-imposition. Et là, quand il annonce ça, Miscavige, c'est les feux d'artifice de partout, les gens sont comme des dingues, ils gueulent « The war is over », enfin, c'est complètement dingue. Et du coup, la double chose, c'est que d'une part, tous les romans, tous les écrits de Ron Hubbard deviennent des écrits religieux. Ouais. Donc ils peuvent continuer de l'exploiter sans payer d'impôts et comme c'est eux qui vendent, parce que Ron Hubbard avait donné tous les droits à l'église de Scientologie, et ben il y a de l'argent qui va encore continuer de rentrer, etc. Ouais. Ils peuvent maintenant dire à tout le monde, faites des dons à la Scientologie, c'est une église, donc en plus c'est cool, il n'y a pas de taxes là-dessus, oui. Faites des dons, donc les dons affluent, enfin, ça devient complètement, complètement dingue. Quoi. Ouais. On commence à avoir beaucoup d'argent. Il y a un mec notamment qui donne 25 millions de dollars, mais comme ça, juste sans rien demander de plus. Enfin, ouais. C'est arrivé à ce niveau-là, c'est quand même c'est fou. Et l'argent, du coup, ça sert à payer quand même toutes les petites amendes qu'il y a à droite à gauche, des petits procès, des machins, etc. Ouais. En gros, à vraiment renforcer la scientologie. Quoi. Ouais. Et il y a quand même une contrainte, on va dire, à être une religion, c'est que, aux États-Unis, c'est que tout l'argent que tu gagnes, tu dois le réinvestir pour les fidèles. Tu dois t'en servir pour que ça serve aux fidèles. Donc, tu peux pas capitaliser là-dessus. Sauf que du coup, ils sont un petit peu malins dans les bureaux de la Scientologie. Ils disent, ouais, mais on voudrait quand même faire un peu du business. Donc en fait, dans l'immobilier, ils vont partir comme des dingues. En disant, mais c'est pas grave, enfin, on achète des bâtiments pour les fidèles. Donc ils en achètent partout dans le monde, des bâtiments, un empire immobilier qui est complètement énorme. Et tout ça, tout va bien. Hein. Du coup, c'est tout à fait normal. Et il donne un chiffre à un moment de... En 2012, il y a 3 des 30 groupes les plus influents de la scientologie qui avaient une valeur de 1,5 milliard de dollars. Ce qui est une valeur énorme. Immobilière. Enfin, c'est énormissime. Quoi. Alors après, bon, on nous raconte qu'il y a des problèmes de trafic humain, de travaux forcés, de salaires très, très, très, très réduits. Mais c'est une religion, ils sont protégés par le premier amendement. Donc finalement, tout ça, en fait, bah, ça peut rester comme ça. Oui, c'est pas faire travailler des gens, c'est pas du forcing, je sais pas comment, des camps de travail, parce que les gens, ils y croient. Ils y vont d'eux-mêmes. Ouais. Ils croient au fait qu'ils sont en train de sauver l'humanité, pas seulement le monde. Oui, l'humanité, oui. Parce que ça, c'est les. S'ils sauvent la scientologie, la scientologie va sauver tous les êtres humains. Quoi. Oui, c'est en ça qu'il dit que c'est la guerre des guerres. C'est que si la scientologie est libérée, tout ça, elle peut enfin évangéliser gratuitement, on va dire. Ouais. Et ben, c'est bon. On va enfin résoudre et avoir ce fameux monde sans guerre, sans criminel et sans folie. Quoi. Oui. Bon, on verra plus tard que ça marche pas forcément. Bon, ils font des clips de propagande, mais du coup, c'est open bar, quoi. Notamment la petite musique qu'on a laissée en intro, qui est le clip absolument cata de We Stand Tall. C'est un truc des années 90, mais c'est vraiment de la propagande, quoi. Et il n'y a aucun problème. Là, on a, je crois que c'est Tony Ortega, un des journalistes, qui explique, qui dit, mais en fait, il y a un truc qui va pas dans cette religion, c'est que tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui demandes en quoi il croit, quelle est sa religion, et en vrai, en une, deux minutes, il te l'explique, et t'as compris tout le principe de la religion sans problème. Il dit, tu demandes ça à un scientologue, il ne peut pas, en fait. Le scientologue, il pourra t'expliquer tous les fondements de la religion qu'au bout de 8 ans et de je ne sais pas combien de milliers de dollars dépensés. Ouais. Il dit donc, ça déjà, ça, pour le, il dit, ça fait partie des choses qui, ça met un trouble quand même, oui, par rapport au côté religieux. Et là, on va entrer dans le quart d'heure Tom Cruise. c'est le quart d'heure non, que Serena craignait. Ouais. Mais voilà, parce que là, oui, c'est Miscavige, en fait, c'est un proche de Tom Cruise depuis le début des années 90, en fait. Ouais, c'est son super pote. Son super pote, il va le voir sur le tournage. Il entoure bien, quoi. Parce que Tom Cruise, on ne comprend pas très bien quand il est rentré dans la Scientologie, mais nous, on sait que c'est par Mimi Rogers qui était scientologue. C'est dans les années, sa copine. Dans les années 80, fin 80. Ouais. C'était sa femme de l'époque. Mais c'est vrai que dans le documentaire, on n'en parle pas trop de comment il y rentre, etc. Ouais. Et là, surtout, on nous parle des années 90, donc c'est les années Nicole Kidman, en fait. Ouais. Parce que très rapidement, donc, en 90, il y a Jour de tonnerre, et en 92, il épouse Nicole Kidman. Sauf que Nicole Kidman a un problème. Nicole Kidman est ce qu'on pourrait appeler une personne suppressive. Parce qu'en fait... Une suppressive person. Non, d'abord, c'est une PTS. Avant d'être une ESP. PTS, c'est Potential Trouble Source. Mm. Donc, c'est une source de problèmes potentiels, ouais, parce qu'elle fréquente des ESP, donc des personnes suppressives. Parce qu'en fait, le père de Nicole Kidman est un éminent psychanalyste... Psychologue. Un éminent psychologue en Australie, très connu et très réputé. Et que donc, si elle était bien dans la scientologie, elle aurait coupé les ponts avec lui, puisqu'il fait partie de l'ennemi, c'est une personne suppressive. Mais elle ne le fait pas. Donc, elle devient une PTS, une source de problèmes. Ouais. Et ça, Miscavige, il n'aime pas. Ça l'énerve. En plus que du coup, Tom Cruise, il est avec elle, donc il n'est pas super proche de la scientologie, quoi. Et notamment, le souci, c'est que là où ça atteint le climax, c'est quand il part à Londres pour le tournage de Eyes Wide Shut, parce que pendant un an et demi, il va être à Londres, il va donner zéro nouvelle à Miscavige, qui pète un câble complètement. Ouais. Et qui dit, là, c'est plus possible, il faut vraiment récupérer Tom Cruise, parce que, a priori, ça faisait partie de son plan d'avoir lui comme image, surtout pour remplacer Travolta, qui est un peu en perte de vitesse, d'avoir Tom Cruise, c'était l'image parfaite pour la scientologie, donc il a besoin de le récupérer. Au-delà du fait qu'il soit proche, mais ça, tu sais pas dans quelle mesure il s'en sert ou pas, quoi. Donc, tout un plan pour se débarrasser de Nicole Kidman, parce que clairement, c'est ça qui est dit dans le documentaire. Oui. Donc, Tom Cruise double d'audition. On lui donne un mec, Marty Radburn, un des bras droits de Miscavige, qui va faire audition sur audition pour Tom Cruise pour vraiment le remettre à fond dans la scientologie. On va s'occuper de l'éducation des gamins. Donc, on va scientologiser les deux enfants, leurs deux enfants qu'ils ont adoptés du coup, quelques années avant. Connor et Isabella. Et en leur expliquant bien que leur mère est une personne suppressive. Hein. C'est très important, c'est en gros les monter contre Nicole Kidman. Et puis alors évidemment, il y a le truc classique qu'ils faisaient déjà avec le fisc, avec tout le monde, c'est mise sur écoute, espionnage et intimidation. Quoi. Ouais, mise sur écoute des téléphones et tout ça. Quoi. C'est, ah oui, de tout ça. Hein. Là, c'est bien. Ouais, c'est et chiant. Dans le documentaire, tu sais pas, et ils ont du mal à savoir exactement qui a demandé cette mise sur écoute, et est-ce que Tom Cruise l'a validé, etc. Ou est-ce que c'est que Miscavige qui l'a fait. Enfin, c'est très très trouble. De manière générale, sur le documentaire, comme ils ont très peu de sources sur les faits de Tom Cruise, parce que tous les témoignages qu'ils ont, c'est les proches de Miscavige. Donc clairement sur la manière de fonctionner de Miscavige, mais ils n'étaient pas tous très proches de Tom Cruise, donc ils ne savent pas exactement comment ils... Personne n'est proche de Tom Cruise, sauf Miscavige. À part si Miscavige témoigne, mais bon, il ne témoignera jamais. Je ne peux pas trop savoir exactement quel est le rôle de Tom Cruise là-dedans. Mais il a a priori un rôle, au moins un rôle de représentant, hein, ça c'est sûr. Il y a un gros rôle. Pif, paf, pouf. Donc, alors, voilà. Donc, on arrive bam. Et là, donc, Nicole Kidman et Tom Cruise se séparent parce que je pense qu'à un moment, la pression comme ça doit être un peu. Ça marche. Ça marche bien. En plus d'avoir fait un an et demi de tournage avec Kubrick qui te rend complètement dingo. Je pense que le 2, ça fait un combo qui fait que normalement, tu te sépares de Tom Cruise. Nous, on ne l'aurait pas fait parce qu'on ne serait jamais séparé de Tom Cruise. Mais voilà. Si, en fait, si, on l'aurait fait. On revient sur le gala qu'on avait vu au tout début. Mais par contre, petit détail, ils divorcent et en fait, ils arrivent à enlever la garde des enfants à Nicole Kidman quand même. Bah oui. Parce qu'ils ont. Et comme ils ont bien monté les enfants contre Nicole Kidman, ça a dû aider aussi, quoi. Non, mais c'est machiavélique. Hein. Bon. Et pour la petite anecdote, moi, c'était quand j'ai entendu parler de ce documentaire, c'était c'était par rapport à ça. C'était un article qui disait que c'était le documentaire qui expliquait comment Nicole Kidman et Tom Cruise avaient divorcé. Quoi. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas grand-chose dans le film. Non, c'est pas rien. C'est beaucoup plus intéressant finalement que juste ça. Bref. Ouais. Mais bon. Donc on revient à 2004, le grand gala où Tom Cruise a une énorme médaille sur le corps. En fait, c'est une médaille qu'ils ont inventée pour Tom Cruise. Parce que là, c'était Tom Cruise est enfin libéré, il est enfin scientologue à 100%. Et donc là, il faut se servir. Et puis en plus, il est au top de sa célébrité. Donc il faut s'en servir, il faut capitaliser là-dessus à fond. Il lui invente la médaille, la Freedom Medal of Valor. C'est complètement con, mais bon, ils inventent une médaille, ils lui donnent, elle est énorme, avec un gros ruban. Lui, il est hyper content, il embrasse tout le monde, il joue à fond, il est très, très, très, très, très, très touché. Ils font un montage de 35 minutes sur Tom Cruise, où tu le vois serrer les mains des dirigeants, aux premières des films, etc. Et en gros, ils disent, regardez, il parle de la scientologie à tout le monde. Ce que tu sais pas, en fait. Normalement, c'est une personne publique, mais il parle pas tout le temps de la scientologie. Surtout que jusqu'ici... Jusqu'au début des années 2000, il n'en parle pas publiquement. Donc c'est un peu comme ça, c'est complètement con. Mais et à la fin, alors là, ce montage, il est énorme parce qu'à la fin, il est un peu très très moche, mais bon, t'as un gros truc avec un chiffre de, je sais plus, c'est 1 milliard 300 millions de personnes dans le monde qui ont été touchées que Tom Cruise a évangélisé, quoi. Ouais. Parce qu'ils ont fait un calcul un peu foireux entre les recettes, enfin les entrées des films, le nombre de représentations publiques, les audiences télé, les machins. Tu dis bon. Bref, ça c'est un truc. Ils ont calculé un peu les potentiels scientologues. Je pense que ça a moins de valeur que notre cruisomètre. C'est pourri. Donc voilà. Et en plus, on voit des extraits de Tom Cruise qui joue le jeu, mais vraiment à fond, quoi. Qui vraiment prend ce rôle de représentant à cœur et qui le défend énormément. Ce qui va du coup causer un petit peu son déclin dans les années 2000 parce que ça fait trop, en fait. Ouais. Mais un peu comme Travolta a vécu la même chose, a trop affiché la scientologie. Qui reste quelque chose dans l'opinion publique assez trouble, même s'ils ont gagné contre le fisc. Voilà. Bon, je pense que ça change pas tout. Tom Cruise, forcément, à ce moment-là, c'est l'image parfaite pour la scientologie parce qu'il représente exactement ces valeurs-là. Quelqu'un qui a confiance en lui, qui est très fort, qui se bat pour les justes, qui est très focus, qui physiquement s'implique énormément. Donc, tu sens que lui, son cerveau analytique, il marche à 100% parce qu'il a vraiment sa force décuplée. Enfin, il représente ça, c'est énormissime. Et il y a des extraits de ces soirées des 40, enfin tous les extraits de lui dans la scientologie, c'est super flippant parce qu'il fête ses 42 ans sur le yacht de la scientologie. Tout est flippant, t'as les mecs, t'as l'impression que ils sont tous sous coke, c'est très bizarre. Ouais, il prend pas des drogues à la base, mais non, il prend pas. Ben non, mais après c'est l'état, c'est la scientologie, te disent tu planes sans prendre de drogue. Hein. Voilà, c'est magique. Là, il y a l'histoire de la petite amie de Tom Cruise, qui est vraiment une histoire hyper glauque. Hyper glauque. D'une conversation, il y a des responsables de la scientologie qui comprennent que Tom Cruise se sent seul et il aimerait avoir une petite amie. Et donc là, après mission, on dégage Nicole. On trouve une petite amie. Et comment ils font, la scientologie, quand il faut trouver une petite amie? Ils ne l'inscrivent pas sur Tinder, ils ne l'inscrivent pas sur les sites de rencontres. Non. Ils vont regarder dans toutes les petites scientologues, les jeunes scientologues qu'il y a. Ils en trouvent une qui est intelligente, qui est brillante, qui marche très très bien. Qui est comédienne. À la base, elle est étudiante en médecine, mais elle est aussi comédienne. Elle s'appelle donc Nazanin Boniadi. Et là, la mission, c'est tuer la prochaine petite amie de Tom Cruise. Et donc, ils lui font... Ils la font se séparer de son mec. Donc, ils lui font croire que son mec est infidèle. Enfin, hop, comme ça, le mec, c'est fait. Ensuite, ils lui refont les dents, ils lui changent les cheveux, les fringues pour que ça tombe pile dans les goûts de Tom Cruise. Et ils font la couleur de cheveux qu'il aimait bien. C'est ça. Et ils l'envoient à Tom Cruise en mode, voilà, bim bam boum, c'est ta nouvelle meuf, et tout va bien. Sombre. Après, c'est ça, c'est un truc qui est elle peut pas en parler. Du coup, elle en a parlé à l'FBI et du coup, c'est les journalistes qui a eu accès au dossier des FBI. C'est trouble, très, très trouble, trouble. Mais après, ça correspond à ce qu'on voit de cette période-là de la scientologie. Effectivement, tu dis, ça paraît, les méthodes qu'ils utilisent depuis toujours, ça paraît pas déconnant. Sauf qu'il y a un moment où il y a une soirée où il y a donc Nazanin, Tom Cruise et David Miscavige qui sont ensemble et elle fait une réflexion à David qui ne plaît pas à David Miscavige, donc ça l'énerve, qui a l'air d'être le mec qui n'a pas besoin de grand chose pour être énervé. Ouais. Et comme il s'énerve, Tom Cruise, ça l'énerve qu'elle ait mis en colère Miscavige, donc il l'attège. Et la thèse, et non seulement elle rentre chez elle et lui déchire toutes les photos qu'elle avait avec Tom Cruise. Il lui enlève tout. Et c'est ça. Et après, c'est faces, punition quoi. Ultime. C'est qu'en gros, ils vont toute la scientologie va la mettre moins que rien. Enfin, ils vont couper tous les points. Enfin, ils vont la. Et voilà. Après, bon, on ne sait pas la suite pour elle. C'est assez triste. Je trouve dans le documentaire, tu ne sais pas comment elle s'en est sortie ou pas. C'est très, très. Très, très chaud. Voilà. Et là, ouais. Donc, ça, c'était toute la petite partie de Tom Cruise qui n'est pas très, très heureuse. Mais ouais. Bon. Et là, maintenant, on va attaquer sur le gros du début de la fin de la vie publique de la scientologie, on va dire. C'est du coup, fin des années 2000. Miscavige est encore plus parano qu'avant, il est toujours plus parano et il commence à avoir peur de ses plus fidèles, de toute sa garde rapprochée. Donc il y a Mike Rinder, Tom DeVoght, Marty Radburn, enfin, tous ces plus fidèles mecs qui en plus sont souvent les porte-parole de la scientologie, c'est les images publiques aussi. Tu vois, oui, c'est les mecs qui doivent nier, qui vont à la télé, qui nient tout ce qui se passe, etc. Mais comme il a très très peur d'eux, parce qu'il a peur d'être désinvesti ou je ne sais pas trop quoi, il va les ruiner mentalement en les mettant dans une maison ensemble avec leur femme, etc. Il va les isoler et il va leur faire presque de la torture, enfin des manières de torture, etc. Déjà les isoler, de les mettre entre eux en compétition. Il leur fait faire des chaises musicales en disant bah de toute façon le dernier qui reste c'est le seul qui pourra rester, les autres je vais vous mettre la misère. Il les monte les uns contre les autres, il les tape aussi, parce qu'a priori il y a tous les responsables qui sont sortis depuis ont dit qu'il y a eu ils faisaient des agressions physiques. Ah ouais, putain. Et ils les poussaient à se taper entre eux. Enfin, ouais, voilà. Plus donc, vraiment... moi j'avais entendu ça. Ouais, ouais. Eux ils s'étaient tabassés, du coup ils étaient dans un état mental où ils s'étaient tapés, il y avait des agressions très fortes entre eux. Parce qu'il leur montait la parano à chacun, etc. Il demande à une personne quand même de lécher les toilettes, quand même les toilettes. Quoi. Oui, de nettoyer les toilettes avec sa langue. Voilà. C'est dégueulasse. Et après, c'est appelé les trous quand même. Ouais, bah oui, ça s'appelle comme dans une prison, quoi. C'est le trou. Voilà. Et il fait quand même des trucs, c'est que quand ça commence à fuiter un peu ces histoires-là, que ah oui, apparemment vous faites du harcèlement et vous faites de la torture sur des personnes et vous les emprisonnez, il extrait les femmes de ses sous-fifres, enfin de ses collègues, et il les pomponne tout ça machin, et il les envoie à la télé pour qu'elles disent non non mais c'est pas vrai, parce qu'ils sont encore toujours endoctrinés, donc ils disent les femmes y vont pour renettoyer l'image publique de la scientologie et tout nier. Ouais. Alors en plus elles ont exactement tous le même discours, donc c'est un peu louche, parce que quand tu montres les extraits où t'as trois femmes qui interviennent, elles ont exactement les mêmes mots au même moment, elles se trompent en fait. Oui, en plus ça se plante dans leur texte, enfin c'est très très bizarre. Et une fois qu'elles ont fini, il les renvoie dans le trou avec les mecs. Ouais. Et donc, c'est là qu'ils vont tous sortir petit à petit de la scientologie, en fait. Ouais. Donc, le premier à sortir, je crois que c'est Mike Rinder, qui sort aux environs de 2007. Il y a Jason Begg, donc, un acteur qu'on a vu au tout début, qui, pareil, en 2007, sort, notamment parce qu'il était proche de Mike Rinder et de Marty Radburn. Et du coup, il comprend un peu tout ce truc-là, donc il en sort. Et c'est un des premiers à faire une vidéo de témoignage de ce qu'il a vécu dans la scientologie et de ce dont il a entendu parler. C'est une vidéo qui marche beaucoup. Sur YouTube. La sur YouTube, qui au bout d'un moment disparaît assez mystérieusement. Et là, il y est à nouveau. Et là, il y est maintenant. Ah ouais, bah oui, mais c'est possible. Hein, parce que... Et il y a ensuite Marty Radburn aussi qui quitte la scientologie, je ne sais plus quelle année, ça doit être 2007, 2008, un truc comme ça. Et lui, il monte un blog, carrément, où il va mettre des articles régulièrement pour expliquer ce qu'il vit dans la scientologie, comment ça fonctionne, etc. Et le truc qui va vraiment aller encore plus loin, c'est quand Paul Haggis, donc le réalisateur-scénariste qui a été scientologue pendant 35 ans, il va quitter la scientologie en 2009 parce qu'il a appris... Enfin, il a ses deux filles qui sont lesbiennes qui lui expliquent ce qu'elles vivent dans la scientologie en tant que personne gay. Parce que les personnes gays dans la scientologie, c'est pareil, c'est comme la psychanalyse et la psychologie, ça ne doit pas exister. En fait, c'est considéré des criminels comme des pédophiles ou des meurtriers. C'est la même chose. C'est ça, c'est le même niveau. Donc, et Paul Haggis, il apprend ça, que ses filles, elles sont traitées comme ça, et donc ça fait partie des choses qui le font déclencher, qui fait qu'il sort de la scientologie. Et il se rapproche de Marty Radburn. En sortant de la scientologie, il écrit une lettre à tous ses amis pour leur éveiller l'esprit. Alors bon, directement, ça devient une personne suppressible, hein. Je pense que c'est assez clair. Et Marty Radburn récupère cette lettre et lui dit « Mais moi, je vais la diffuser sur mon blog, en fait. » Et il diffuse sa lettre petit à petit. Et en plus, on voit que c'est Paul Haggis, qui à l'époque, en plus, il est très, très connu. Oui. Et donc, ça fait que cette lettre-là et toutes ces infos-là ressortent énormément. Et donc, commence à y avoir beaucoup, beaucoup d'articles sur la scientologie et les méthodes de la scientologie. Ah. Voilà. Donc là, on se retrouve avec une scientologie où en gros il y a David Miscavige, il y a tous ses lieutenants, tous ses bras droits qui sont tous partis, il y a des vedettes qui partent, etc. Et il y a beaucoup d'infos qui sortent, donc il va se renfermer très clairement sur. Il n'y a plus de. Toutes ces personnes qui sortent, parce que non seulement tu es sorti, mais en plus tu parles contre la scientologie, tu deviens une personne suppressive, là, oui. Suppressive person. Oui. Et les gens, tous les gens qui sont dans la scientologie, ils sont obligés de disconnecter. C'est de... Ça. Là, ils prennent un exemple du coup sur ça, sur la disconnection. C'est que il y a Sarah Goldberg qu'on a vu un petit peu plus tôt dans le documentaire, qui explique que son fils, à un moment, il a un ami qui est au courant d'un article qui va sortir sur un article à charge sur la scientologie, et il est au courant de ça. Et le fait d'être au courant, normalement, fait déjà que son ami qui lui dit il y a cet article qui va sortir sur la scientologie, c'est une personne suppressible. Il devrait ne couper les ponts avec cet ami-là, sauf qu'il le fait pas. Donc la scientologie considère que lui aussi devient une personne suppressive, juste parce qu'il a lu un article et qu'il l'a pas rapporté. Et donc ça devient une personne suppressive. Donc par ricochet, ils disent à Sarah Goldberg, la mère du fils a dit, tu peux plus parler à ton fils, ouais. Puisqu'il a fait une erreur. Il est une personne. Et donc c'est ce truc là qui devient de plus en plus. C'est le cas contact du cas contact, quoi. C'est vraiment ce truc là, quoi. Et du coup, elle avait déjà ce problème là avec sa fille où elle pouvait plus parler à sa fille techniquement. Donc, tu pètes un câble, tu peux plus parler à personne, la moindre erreur, tu peux plus parler. Donc, ça c'est le principe de la disconnection. Du coup, elle est sortie de la scientologie. Et donc, Sarah Goldberg sort en 2013. Et par contre, elle a été disconnectée de son autre fille. Sa fille qui est restée dans la scientologie lui a dit je peux plus vous parler. Voilà. Du coup, elle ne parle plus à sa fille depuis des années parce que. Exactement. Et après, c'est horrible. C'est le truc qu'on voit quand on a les échos de Tom Cruise qui ne parle plus à sa fille qu'il a eue avec Katie Holmes. Parce que Katie Holmes est une personne suppressive et elle a tout fait pour que sa fille sourie, elle ne soit pas élevée dans la scientologie. Donc Tom Cruise ne peut plus lui parler. Quoi. Peut plus voir. Bref. Et là, du coup, on nous explique aussi que y a toujours le truc qui existait avant du fair game, là, de discréditer les détracteurs. Il y a maintenant des milices carrément qui vont harceler tous ces anciens cadres qui commencent à parler, en fait. Et ça va vraiment très très loin. Ils les suivent, ils les filment partout. Et Marty Radburn, qui était quand même un des hauts fonctionnaires de la scientologie, je ne sais pas si ça dit pas. Michael Jordan des auditeurs, apparemment. Oui, il est présenté vrai, comme ça. C'était lui qui a audité Tom Cruise à fond quand il y avait beaucoup. Ouais. Donc lui, il est sorti, mais comme il y a le premier amendement et qu'il a fait partie de l'église de scientologie, il ne peut pas porter plainte contre la scientologie pour harcèlement, pour espionnage, etc. Mais sa femme, Monique, n'est pas scientologue, donc elle le fait. Ouais, parce qu'elle est harcelée aussi. Elle aussi, forcément. Lourdement. Elle se présente chez eux avec des caméras et tout. Et cette magnifique milice s'appelle les Squirrel Busters, donc les chasseurs d'écureuils. Ils ont des t-shirts avec écrit Squirrel Busters en gros. En fait, un squirrel, c'est quelqu'un. C'est une balance, quoi. C'était une balance. C'était ce qui était un scientologue qui parle mal de la scientologie. Tu vois. C'est une poucave. C'était la terminologie de Hubbard. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais, mais en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que Miscavige, il institue des choses qui étaient déjà dans les manières de faire de Hubbard, mais qu'il n'avait pas forcément institué aussi loin, quoi. Ouais. Et là, on a un des derniers témoignages qui nous explique qu'en gros, maintenant, la scientologie, c'est une société écran non imposable qui a plus de 3 milliards de dollars d'actifs. C'est ça, en fait. Et maintenant, ça te sert à... Si tu veux blanchir de l'argent, la scientologie, c'est hyper pratique. Du coup, on en est à un point là. Le film, il sort en 2015 ou 2016. Et qu'en gros, c'est là, il y a plus de porte-parole, il y a plus de représentants, il y a plus personne n'en parle en public de la scientologie. Donc, on a moins de trucs, il y a moins de choses qui sortent. Puisque du coup, depuis ce truc-là, Miscavige, il a dû tout refermer sur ça. Moi, j'ai pas été chercher plus loin. Je sais pas aller chercher plus loin. on a les témoignages de bah, de toutes les personnes qu'on a vues jusqu'ici, qui ont été scientologues pendant très longtemps, qui expliquent les regrets, enfin, cette chose qui est très compliquée, en fait. Cette espèce de culpabilité qu'ils auront à tout jamais, parce qu'en fait, ils peuvent regretter, mais ça a été trop, trop long, et ils ne comprennent toujours pas comment ils ont pu être embrigadés autant. Enfin, c'est très, très fort. C'est assez émouvant, quoi, de voir comment, en fait, ils ont toute une partie de leur vie sur laquelle ils n'ont aucune prise, quoi. Et la grande conclusion, une des grandes conclusions du réalisateur, c'est de dire que pour que l'église de Scientologie se casse la gueule vraiment, ce serait qu'elle redevienne imposable, que le fisc prenne la décision de la rendre imposable de nouveau, ce qui ferait très très mal financièrement et même au niveau de l'image, puisque ce ne serait plus une religion, du coup. Ou que les dernières stars d'Hollywood, les dernières personnes les dernières personnes qu'on associe à la Scientologie quittent la Scientologie pour le dénoncer, quoi. Et notamment, il dit, si Tom Cruise quitte la Scientologie, ça peut faire très mal. Ouais. Voilà. Et puis après, petit générique avec notamment la liste de toutes les personnes qui ont refusé d'être interrogées, dont Miscavige, Tom Cruise et deux, trois autres qui sont restés. John Travolta, je crois aussi. John Travolta a refusé, Greg Wheeler, enfin quelques personnes qui sont encore dans la Scientologie qui sont évoquées dans le documentaire. Voilà, je pense que j'ai fait une heure de résumé. Ouais, voilà. Très bien. Désolé, voilà. C'était compliqué de faire moins. Après, si vous voulez vraiment plus de détails, vous pouvez regarder le film. On a tout vu, mais normalement on a à peu près parlé de tout. Mais c'est bien de le voir quand même pour voir les témoignages et tout, même les personnes. Et après, il y a énormément de choses qui sont, je trouve, très intéressantes. Du coup, ça donne envie de creuser plus, de voir. Parce que toutes ces personnes qui témoignent à ces stades-là, ils ont tous un blog, des entretiens, des podcasts, des séries, des trucs. Ils travaillent pour dénoncer la Scientologie. Exactement. Voilà. C'est très, très, très dense, en fait. C'est méga dense. Le film est hyper ambitieux pour ça, parce que c'est l'idée, c'est vraiment presque du début à la fin de toute la Scientologie, avec en plus le fait d'avoir le travail du journaliste en amont. Mais du coup, c'est très, très dense. C'est sur un film qui dure 2 heures quand même. Bah, forcément, il y a des petits angles morts, des trucs où tu sais pas jusqu'où la suite, quoi. Tu vois, notamment, on prenait l'histoire de la petite amie de Tom Cruise. On sait pas comment ça se s'est passé. Il nous manque comment Tom Cruise arrive dans la Scientologie. Enfin, il manque plein de petites choses, mais enfin, sur un film de 2 heures, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est difficile. Ouais. Je vais boire de l'eau. Ouais, vas-y. Bah, moi, j'avais juste envie d'en parler un peu plus sur Alex Gibney, les documentaristes, donc, qui est quand même un peu la star des documentaires américains, qui a gagné quand même un Oscar en 2007. Au 2008, et qui a fait des documentaires à peu près sur tous les gros thèmes, sur Poutine, sur les violences de pédophilie dans l'Église catholique, sur les violences en Afghanistan, sur à peu près tous les thèmes. Il a dit que ces documentaires-là, ça a été un des plus difficiles à diffuser dans les médias, parce que les médias, ils ont trop peur. Et oui, de parler de ça, parce que cette histoire de fair game me fait vraiment peur. Et dit, ça indique à quel point la Scientologie a bien travaillé là-dessous, quoi. Et a créé un climat de peur. Nous-mêmes, moi, j'ai peur, tu vois, alors que personne nous écoute. Quoi, on a dit, peut-être c'est le dernier épisode qu'on fait. Voilà, il y a une espèce des trucs de mythes, parce qu'ils sont tellement forts dans leur harcèlement et tout ça, et c'est assez impressionnant. Alors que le film, ils ont fait la première au Sundance Festival aux États-Unis, ça a été un succès pas possible. C'était considéré les tickets les plus hottest et plus excitants du festival. C'était complet, sold out. Tous les VIP sont allés le voir. Ça a été un carton. Il a été mis sur HBO télévision direct. 1,5 million des téléspectateurs le premier jour. Ouais. Et après, ils ont fait 5,5 million en 2 semaines quand même. C'était les deuxièmes documentaires les plus regardés après... les documentaires de Beyoncé, je veux dire, c'est pas rien, quoi. C'est énorme. Et ils ont eu énormément de difficultés parce qu'à chaque festival, chaque cinéma qui voulait le projeter ou les organisateurs, ils étaient harcelés par la Scientologie. Ils recevaient des lettres. Tout le monde a eu des sites de haine qui ont été créés sur eux. Les scientologues, parce qu'ils ont énormément de... Les ex-scientologues qui témoignent parce qu'ils ont énormément de papiers sur eux. Mais aussi, par exemple, les réalisateurs... Il a eu un truc de haine sur lui où on raconte sa vie, tout ça. c'est un peu... C'est Barjo. La force de frappe, c'est assez dingue quand même de se dire que ils ont mis tout, il y a tout ce système qui est mis en place. T'as l'impression qu'il y a plus de moyens mis pour la répression et pour protéger la chose que pour le développement. Tout à fait. Tu vois, c'est bien. Et en plus, l'autre truc qui est un peu fou, c'est que lui-même, pendant les tournages du film, du coup, il a acheté des téléphones, jetables, pour pouvoir prendre les rendez-vous et tout. Il s'est donné rendez-vous dans une maison tierce pour avoir les entretiens. Lui, il y allait des heures, énormément d'heures en avance, comme ça les gens ne le suivaient pas. La personne arrivait après des heures et des heures pour pouvoir faire un putain d'entretien. C'est quand même fou, quoi. C'est dingue, hein. Parce qu'ils sont suivis partout, quoi. Ouais. Et 10 jours avant que le film sorte, la Scientologie achète une entière page de publicité sur les New York Times et sur les Los Angeles, Los Angeles Times, pour dénoncer les documentaires. Genre, ils arrivent à acheter la page entière de publicité pour dénoncer que c'est que c'est foutaise et tout ça. Et en fait, là, ils se sont dit, ça va être un succès. Et oui, parce qu'ils ont fait énormément de publicité au documentaire qui peut-être pouvait être... en fait, la Scientologie aurait pas dû mettre la lumière là-dessus parce que c'est encore pire pour eux. C'est un peu dévastateur. Ils sont un peu foirés sur ça. Après, on voit qu'il y a des trucs... Le fait de la Scientologie soit hyper isolée, ils font quand même plein de conneries. Hein. Du coup, parce qu'ils ont... Les prises avec le monde réel, elle est quand même compliquée parce que tout passe à travers un film. Enfin, dans 2 semaines, on va parler d'un film qui traite pas de la Scientologie, mais enfin qui a beaucoup de rapports avec la Scientologie. Et clairement, tu vois bien dans la manière de faire qu'ils savent pas comment le vrai monde fonctionne, quoi. Ils sont tellement tombent tellement hors sol, quoi, de ça. Ils sont un peu foirés. En tout cas, l'attaque à cette documentaire-là, ils sont un peu foirés. Après, toujours Alex Gibney raconte qu'il a mis quand même 160 à peu près avocats sur les films en disant, en prévoyant les potentielles attaques des scientologies et des diffamations et tout ça, pour qu'ils puissent anticiper des potentielles poursuites légales. Et même les critiques qui ont écrit des bonnes critiques du film, parce qu'il a eu quand même 94% de Rotten Tomatoes. C'est pas mal, ça. Et 3,9, j'ai vu sur Allociné. Allez, t'as vu ? Ah, pas mal. Bien, les Français. Et ils ont harcelé aussi les critiques qui écrivaient des bons trucs en disant « Oui, mais il faut publier un truc parce qu'ils n'ont pas voulu des témoignages des gens de la Scientologie. Nous, on a donné 25 personnes potentielles, mais que c'était des inconnus. » Tu vois, c'est quand même... C'est fou. C'est fou, quoi. Voilà ce que je voulais dire sur l'enveloppe aussi, que je trouve est hyper troublante, parce qu'à la fin du documentaire, ils ont l'air de dire ouais, c'est un peu moins. Mais là, il y a moins de. Ça se voit, enfin, il n'y a plus la visibilité, en fait, c'est ça. Ouais, mais c'est la double tranchant. Si tu te dis, est-ce qu'on le voit moins, on entend moins parler, parce qu'ils sont plus faibles? Ou est-ce que parce que du coup, ils se sont renfermés pour être encore plus solides sur eux? Ils sont plus malins, quoi. Parce que, je ne sais plus, à un moment, il y a un des gars-là sur la fin de 2014, je crois, un truc comme ça, où David Miscavige dit « Il n'y a jamais eu autant de scientologues dans le monde. » Sauf que la voix off dit « En fait, il y en a moins qu'avant. Par contre, ils ont beaucoup plus d'argent, mais ils ont moins de scientologues qu'avant, en fait. Ouais. » Mais tu peux pas vérifier, en fait. Parce que là, finalement, c'est... heureusement qu'il y a tous ces mecs qui sont sortis et qui étaient des cadres, donc avec beaucoup d'informations qui ont pu tout balancer. Ben, c'est vrai. Et qu'il y a eu beaucoup de journalistes qui ont relayé la chose et qui ont étayé ça. Mais s'il n'y a plus personne qui sort, ou alors c'est que des kidams qui, du coup, tu ne sais pas quelle est la valeur de ce qu'ils vont raconter. Je pense que c'est ça la stratégie du coup de la Scientologie maintenant, de dire on referme tout comme ça. En fait, le moindre truc qui sort, ça ne pourra pas être crédible puisque on ne peut pas le rattacher directement. Quoi. Mm. D'où le fait que si Tom Cruise parle, c'est une des rares personnes encore identifiées à la Scientologie. Ça peut balancer. Mais bon. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai une petite question du jour. Ah merde. Je vais faire un jingle question du jour. Ouais, vas-y. Mais c'est putain. Alors, voilà. Non, je voulais te demander, justement, parce que tu parles de Tom Cruise. Donc, je voulais te demander, est-ce que tu crois que Tom Cruise, il y croit... Est-ce que tu penses qu'il y croit vraiment? Est-ce que tu... C'est quoi sa position, tu vois? Est-ce que c'est... Parce que parfois, on peut le peindre comme un... il est le deuxième de l'Église, un peu manipulateur et tout ça. Ou est-ce qu'il est vraiment dans une profession des fois... profonde. J'avoue que autant sur John Travolta, là, quand on le voit dans le documentaire de John Travolta, il y a moins de doutes. John Travolta, il est arrivé hyper jeune, et puis tu vois vraiment quand qu'il est à fond là-dedans et qu'il s'en sort pas de ça, quoi. Tom Cruise, on voit pas tout ça, on sait pas trop dans quelle mesure. Pas, on sait pas du tout dans quelle mesure. On sait très bien que que Miscavige en a énormément besoin pour la com. Ouais. Après, Tom Cruise, dans quelle mesure il y croit, dans quelle mesure juste ça lui rapporte du pognon ? Parce que si, à un moment, c'est quand même clairement sous-entendu que Tom Cruise profite des installations et de toute de la main-d'œuvre pas chère et de tout ça, de la scientologie. Quoi. Ça, sur ça, j'ai un peu un doute, moi. Mais il a des millions de dollars, tu vois. Tout le passage sur Tom Cruise, c'est vraiment dans le documentaire, tu sens que c'est le moins documenté. Et ils sont emmerdés parce que c'est des passages où vraiment beaucoup ils disent. A priori, peut-être, ce serait. Ouais. Mais il n'y a pas trop de prise. Donc, alors, soit il est très, très fort et il a tout verrouillé partout et du coup, on ne peut rien savoir sur lui dans la scientologie. Soit, effectivement, ce que tu dis, c'est juste le représentant de la scientologie. Oui, c'est un boulot comme un autre. En fait, presque, il a ses cachets de ça. Quand tu vois les interviews, il le joue. Tu vois très bien qu'il joue le truc, quoi. Donc, dans quelle mesure ? Je serais incapable de dire. Après, c'est trop mystérieux, en fait. C'est fou. Après, quoi qu'il arrive, qu'il y croit ou qu'il y croit pas, il a un rôle dedans. Oui, et donc, forcément, il y a des. Même s'il n'est pas au courant de tout ce qui se fait dans la scientologie et qu'il n'approuve pas tous les trucs, enfin, c'est pas lui qui a la base de la décision, il fait quand même partie de la chose. Et le fait d'être VRP, ça fait quand même partie des. Pour la peine, c'est un gros truc qui est dans la vie de Tom Cruise, fait que c'est pas une bonne personne pour ça, quoi. Moi, je m'imagine ce scénario. Je voudrais tellement, dans un rêve, parlons d'un rêve, que Tom Cruise, dans 5 ans, il a recueilli toutes les preuves sur la scientologie. Genre, il est un putain de taupe de l'FBI, quoi. Il arrive, bam, et là, il sauve tout le monde, quoi. Quand il sera dans l'espace, il fait une interview dans l'espace. Et là, il détruit tout et dit. Je sais pas dans quelle mesure. En fait, après. Ça fait des années. S'il est vraiment malin, au moment où la scientologie est au plus bas, et lui, il se sauve justement. Avant de tomber avec la scientologie, il se sauve en faisant ça. Je sais pas, c'est pareil. Quoi. Est-ce qu'il a vraiment des dossiers sur la scientologie ou non? C'est juste un pantin pour le truc, quoi. Oui, je sais pas. C'est pas trop. Personne n'essaie de toute façon. Après, ce que t'entends, c'est par contre, ça a des répercussions sur sa vie privée. Ça, c'est vrai. Nicole Kidman qui se barre, sa fille sourit comme qui sur la vie privée de tous les scientologues de base, parce que ça change quand même. Tu peux plus parler à des gens qui. Non, c'est très très compliqué. C'est pas avec ce documentaire-là qu'on saura exactement ce que ça fait. Par contre, c'est impressionnant de voir comment la courbe de popularité ou de visibilité de la scientologie suit celle de Tom Cruise quand même. Tu vois, jusqu'au milieu des années 2000, ça cartonne et puis ça commence à s'effriter fin des années 2000. Ouais. Et ça correspond aussi avec la carrière de Tom Cruise qui, au milieu des années 2000, prend. C'est un peu chaotique, mais parce que la scientologie. Je pense que c'est plus le fait de la scientologie qui a fait que la carrière de Tom Cruise s'est un peu cassé la gueule. Oui, s'il n'avait pas autant affiché la scientologie, il aurait été encore plus loin. Ouais, carrément. Il y a une comédienne qui est très très connue aux États-Unis qui s'appelle Léa Rimini, un truc comme ça. Il faudrait que je regarde mieux son nom. Elle était scientologue depuis son enfance. C'est très intéressant d'ailleurs, aller écouter ce qu'elle a à dire. C'est vraiment intéressant ce qu'elle raconte. Et elle est sortie adulte après 35 ans, tu vois. Et pourquoi je dis ça ? Je ne me rappelle plus. C'est les gens qui sortent. Elle est sortie aussi parce que ces cadres-là, ils sont sortis. Oui. Et donc, elle est allée contre l'église en allant regarder. Mais c'était ses amis à elle, tu vois. Ouais. En allant regarder ce qu'ils avaient à dire. Et donc, elle s'est dit, mince, c'est peut-être vrai. Ça confirmait déjà des trucs qui tournaient dans sa tête. Et du coup, elle s'en est sortie. Et maintenant, elle parle à sa. Et elle fait qu'il y a des trucs sur la scientologie maintenant, tu vois. Et elle dit. J'ai jamais eu autant de travail que depuis que je suis sortie. Parce qu'avant, elle travaillait beaucoup, elle avait une grosse série, mais elle avait moins le respect de ses collègues et tout ça. Maintenant, elle a une espèce de truc où elle est vachement plus aidée, tu vois. T'es un peu à part si t'es scientologue à Hollywood, soit t'es Tom Cruise, soit t'es un peu à part. C'était un truc, je pense, dans les années 70, c'était peut-être pas pareil. Parce qu'au tout début, tu sens vraiment que c'est bien en fait, d'être à la scientologie quand t'es acteur. Ouais. C'est presque reconnu. C'est après, quand l'image de la scientologie se brouille, ça devient compliqué, je pense. Bah, tu sais qu'il y a scientologue aussi, Elisabeth Moss. Elisabeth Moss, oui. Après, c'est pareil. Tu sais, quelle mesure, tu ne sais pas. Et tout le monde te dit, des listes de gens scientologues, tu en as plein. Ouais. Tu ne sais jamais jusqu'où. Elle l'a dit. Ah, bon, ouais. Elisabeth Moss, qui fait la servante écarlate. Mais après, c'est le truc qui me fait halluciner. Mais même, tu regardes dans la carrière de Tom Cruise, il va faire Magnolia avec Paul Thomas Anderson. Ouais. Qui est quand même un mec qui fait beaucoup de films sur ça, sur les gourous, sur les emprises, etc. Il joue un rôle de gourou dans Magnolia. Mais comment... C'est en ça que je me dis, mais ça se trouve peut-être le VRP à la scientologie, c'est un rôle, ça se trouve peut-être juste s'il est payé pour ça. Ouais, je sais mais parce que quand même, dans ses choix artistiques, on va dire... Parce qu'en plus, Magnolia, il y va pour que dalle. Hein. Il le fait parce qu'il a envie de faire ce film et qu'il a envie de bosser avec Paul Thomas Anderson. Et donc, c'est complètement antinomique avec le fait d'être scientologue. C'est complètement... ça rend dingo, moi, je trouve, cette carrière. Fou, et ça rajoute pour la peine, tu vois, avec ce qu'on disait sur est-ce que c'est la dernière star d'Hollywood. Enfin, la star d'Hollywood, ça rajoute vraiment le côté mythique et mystérieux du personnage, quoi. Quelque chose qui vraiment, c'est un personnage trop complexe à approcher entre sa vie publique, sa vie privée et ses engagements plus ou moins politiques. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Aïe. Plein de trucs. Après, j'en avais 350 anecdotes de plus, mais c'est bon. On pourrait en parler encore plus. Mais après, s'il y a juste. On parlait tout à l'heure avec Marie, notre consultante spécialiste en tuning. Ah oui. qui s'avère qu'il n'est pas que spécialiste en vampire et en tuning, mais qui nous racontait. Qui nous expliquait. En fait, qu'il y avait un lien avec le fait que la France soit un des rares pays en Europe et même dans le monde à ne pas accepter la scientologie comme une religion, voire même c'est considéré comme une secte pour l'observatoire de la vie sectaire. Je sais plus que Mivilude, pardon. Le Mivilude. Ouais, qui fait régulièrement des rapports en disant que c'est une secte. Et elle nous expliquait que le fait que la France soit un des rares pays, voire maintenant presque le seul pays laïque au monde, eh ben forcément, ça aide à lutter contre ça. Il y a un arsenal juridique en fait, qui fait que tu peux lutter contre les sectes parce qu'aussi, on est sur un État laïque. Et en fait, que ça pourrait faire partie des choses qui expliquent pourquoi la scientologie en France n'est pas reconnue, alors qu'elle est reconnue en Italie, en Angleterre. Elle est reconnue en Italie, la scientologie, religion ? De ce que j'ai regardé, a priori, oui. Non, je ne savais pas. Désolé, c'était pas pour taper sur les. J'aurais dû dire l'Allemagne ou. Je sais pas. Non, mais ça m'intéresse. Mais en fait, c'est ça. Moi, j'étais halluciné. Je regardais la liste, mais il y a beaucoup de pays en fait qui reconnaissent la scientologie. Et tu dis, ça, c'est un peu inquiétant. Et après, surtout, il y en a pas tant que ça qui la refusent. Après, ça bouge régulièrement. J'ai l'impression aussi que c'est quelque chose de très flottant. Mais le problème, c'est que de plus en plus des pays vont l'accepter. De plus en plus, c'est un boule de neige, non? Oui. Il faut résister. Et en plus, ils ont des bâtiments partout dans le monde, quoi. Et oui. Et même nous, on est passé pas loin de la catastrophe en France, parce que Nicolas Sarkozy, donc qui est la même version que Miscavige mais en version française, quand il a reçu, ça devait être en 2007, je crois, il reçoit Tom Cruise, mais publiquement quoi. Macron l'a reçu Tom Cruise, mais pas publiquement. Et Sarkozy le reçoit publiquement, etc. Trop bien. Et il commence à y avoir des ministres qui remettent en question le fait que ce serait une secte. Alors que tu as tout un tas d'entités qui travaillent sur ça, qui expliquent et qui ont des rapports énormes pour dire que c'est un mouvement sectaire. Et tu as des ministres qui disent non, mais peut-être que ça se réfléchit. Sarkozy qui fait non, mais la scientologie, peut-être pas, machin. Tu dis, mais les mecs, quand même, c'est super dangereux, quoi. Ouais, et ils font ça. Mais c'est très, très. Et voilà, après, c'est. Dans quelle mesure c'est compliqué, tu vois. On mais sait ça, pas, c'est troublant aussi, pas. Tu vois. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est machin? Mais c'est très bizarre. Ouais. Il doit y avoir d'autres enjeux. Après, a priori, la scientologie, ça reste une puissance financière énorme quand même aussi. Il vient d'acheter un énorme bâtiment à Paris en prévision des Jeux Olympiques 2024, on soupçonne. Et fou. Juste à côté du futur village olympique. Oui, c'est quand même dingue, tu vois. Mais ça, on en discutait. C'est un énorme bâtiment. Les tentatives d'évangélisation en France de la scientologie, je t'en racontais tout à l'heure, mais l'anecdote, je vais le faire là parce que ça me fait toujours marrer, mais c'est au Festival d'Avignon. festival de théâtre d'Avignon où il y a beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de brassages. Sur une rue très passante, ils ont une boutique. Enfin, il y a une. Non, c'est pas la Scientologie officiellement, ouais. Mais il y a une boutique où ils ne vendent que des bouquins sur la Dianétique de Ron Hubbard avec des gens très sympathiques, jeunes, qui t'accrochent dans la rue, qui te donnent des flyers et qui te disent: ah, ça va, vous vous sentez pas trop stressé, si vous voulez, vous venez. Et puis on en papote un petit peu. Et puis après, vous n'êtes pas obligé d'acheter le bouquin, mais si vous voulez, vous allez voir, c'est vraiment des trucs de bien-être, quoi. Mais vraiment la base de la Scientologie, quoi. Ouais. Donc les mecs, ils essayent de recruter quand même encore à fond. Alors après, ouais, je sais pas, là, ça fait un moment que je peux aller à Avignon, mais peut-être ça y existe encore, mais c'est vraiment ce boutique qu'ils prennent que pour le mois du festival. Il y a beaucoup, beaucoup de passages où il y a beaucoup de gens fatigués, stressés, etc. Et ils essayent de choper des gens là-dedans. Les donc futurs Tom Cruise français. C'est ça. Donc ça existe, ça existe aussi en France. Ouais, l'église de Scientologie de Paris existe, c'est une asso. Enfin, il y a plein de trucs hein, qui. Ouais, ouais, non, c'est encore là. C'est quand même là. Après, c'est quand même là. Voilà. C'était peut-être notre dernier épisode. Voilà. Envoyez-nous des petits messages sympas si ça vous a plu et si vous voulez nous soutenir. Ou sinon, vous nous amènerez des oranges à la prison de Fleury-Mérogis. Mais non, pas la prison quand même. On sera dans le Kansas peut-être. C'est ça. Vous viendrez nous chercher, quoi, s'il vous plaît. Bon, est-ce que tu as des recommandations vite fait, bien fait? Bah non, moi j'avais The Master de Paul Thomas Anderson, ouais, qui est un film absolument dingue, avec Amy Adams, Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman. Et ouais, c'est très, très, très fort. C'est une vraie. Par rapport au documentaire où on nous explique un petit peu la vie de Ron Hubbard, là, c'est une fiction. Enfin, c'est un film vraiment de cinéma très, très fort qui utilise vraiment ce truc-là avec beaucoup de. Alors, c'est pas officiellement la biographie de Ron Hubbard, mais c'est vraiment bluffant et ça marche. C'est un super film, du coup. Ok, super. Parce que c'est sur ces névroses-là et c'est très, très beau. Eh bien. Toi, t'en as une, peut-être, une recommandation? Alors, j'avais une recommandation de deux documentaires, mais qui n'ont rien à voir avec la Scientologie. Donc, il y avait les documentaires sur les Fire Festival. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur Netflix. Ah oui, le faux festival. Vraiment trop bien. Et ça part quand même des manipulations, les gars. Ouais. C'est fou, quoi. C'est complètement dingue à quel point la manipulation autour d'une figure charismatique, jusqu'où ça peut t'amener. Mmh. Ça, c'est trop génial. Et après, un truc un peu dépile qui s'appelle King of Kong. C'est un documentaire un peu vieux qui remonte, qui part d'un gars qui essaie de battre les records de Donkey Kong sur l'arcade. Et c'est vachement bien, quoi. C'est trop bien. Ouais, je croyais que tu parlais, voilà. Je croyais que t'allais parler de Tiger King. Non, je ne l'ai pas vu. C'est pareil, c'est un peu sur ces personnalités manipulateurs et complètement fous. Et sur le milieu des zoos et du trafic d'animaux aux États-Unis. Voilà. Il est horrible, ce documentaire. C'est une série documentaire, mais après, c'est le même genre de personnage, des mecs complètement fous qui deviennent un peu des gourous. C'est, ouais, c'est complètement dingue. Trop bien. Les États-Unis, c'est waouh, c'est vachement top, bien. Top, top. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet épisode spécial, bizarre, hors série. Machin. Nous nous retrouvons dans deux semaines avec un autre épisode spécial où nous allons parler de Battlefield Heart. Terre, champ de bataille des années 2000. 2000 tout pile. Tout pile. Et c'est quand même un hors-série. Il n'y a pas Tom Cruise, mais ça continue un peu ces deux épisodes de diptyque sur la Scientologie entre beaucoup de guillemets. Ce sera la version rigolote, là. Ça sera la version rigolote. Parce que là, c'était un épisode un peu plus compliqué, mais là normalement, sur Battlefield, on peut rigoler. Voilà. En attendant, vous nous écoutez sur PodCloud. Nous, on est hébergés par PodCloud. Tout à fait. Qui fait un super boulot pour les podcasts des indépendants résistance et motivé. Et après, on est sur toutes les autres plateformes. Oui, voilà, Apple Podcast, Google Podcast, blablabla. Mettez des étoiles, des cœurs ou pas, comme vous voulez. Oui. Je sais pas. Soit vous mettez beaucoup ou rien. Ou rien. Vous faites pas. Ouais, voilà, pas moitié. Nous, on va faire 5 sur 5. Et. Bon, je sais pas, si vous avez aimé ces épisodes, vous en parlez autour de vous. Si vous avez pas aimé, vous allez regarder, je sais pas. Le Master. Plus là, hein. Oui, c'est vrai. Mais bon. Si des fois vous êtes arrivé là, vous dites, je crois que j'ai pas aimé. Et il y a des idées. Regarde Fire Festival au King of Kong. Voilà. on a qu'à se dire bisous. Ouais, des bisous. We'll be right back.